qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas réparer quand tout est cassé. J'mets des B, j'mets Azix, j'mets Reebok, j'fais que des classiques. Survêt de fringue dans le 4 Magic. J'suis comme un winner, c'est un fanatique. J'ai mon Québec, j'fume ma peu. J'ai mon bébé, c'est mon bébou. Toujours debout depuis le début. J'me suis fait seul, j'porte pas de bébou. Hey, j'ai ma nuit, gros toute la nuit. Si t'es mon ami, gros c'est pour la vie. Hey, j'ai ma nuit, gros toute la nuit. Si t'es mon ami, gros c'est pour la vie. Et je zone, je zone, je zone. J'éteins mon téléphone, les fans, les fans. J'esquive les faux, les folles, les folles, les folles. J'ai jamais joué de rôle, de rôle, de rôle. T'as les pensées noires, j'ai le cœur blanc. Mes claquettes, mon peignoir. J'bois du vin blanc, j'ai fait la teinture blonde. Je passe masqué à plat, je me fonds dans le monde. Faut que j'en roule un à temps. J'fume, j'ai mal à la dent. Ça fait chez neuf de bon matin. L'odeur me fait planer, j'suis sur le tapis volant comme Aladdin. J'fais le gros dans des gadis. Quand on est seul, tu mets pas le plein. J't'ai vu qu'avec des crasseuses et soi-disant, tu coins des mannequins. Y'en a qui abusent sur le bouton, poto c'est pas nouveau. Moi les streaming sur les plateformes, poto c'est pas du faux. Y'en a qui abusent sur le bouton, poto c'est pas nouveau. Moi les streaming sur les plateformes, poto c'est pas du faux. Hey, j'aime un... Survêt de fringue dans le 4 Magic. J'suis comme un winner, c'est un fanatique. J'ai mon Québec, j'fume ma beuh. J'ai mon bébé, c'est mon bébou. Toujours debout depuis le début. J'me suis fait seul, j'porte pas de bébou. Hey, j'aime ma nuit, gros toute la nuit. Si t'es mon ami, gros c'est pour la vie. Hey, j'aime ma nuit, gros toute la nuit. Si t'es mon ami, gros c'est pour la vie. Et je zone, je zone, je zone. J'éteins mon